Bienvenue sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles entre 20h et 22h tous les mercredis. Oh, depuis plus de 15 ans sur cette radio et depuis très longtemps, puisque j'ai créé cette émission en 1984. On est donc dans la 39e année, à partir du moment où on sera l'année prochaine, c'est la 39e saison. Et c'est la saga des Fab Four numéro 538, aujourd'hui le 19 octobre, pour que vous voyez bien que c'est du direct. Nous avons été en retard pour fêter l'anniversaire qu'aurait pu avoir John Lennon, ses 82 ans, le 9 octobre, parce que on a voulu donner un petit coup de pouce, un petit hommage à Ringo Starr qui était malade, puis qu'il ne l'était plus, puis qu'il est à nouveau. Alors on va pas recommencer à faire du Ringo Starr tout de suite, on va faire un spécial Lennon, 100% Lennon avec les Beatles et sans les Beatles, et ses potes viendront lui donner un petit hommage aussi, vous verrez ça au cours de l'émission. Il y aura donc, je vous cite les 5 premiers, allez, Twist and Shout pour commencer sur Please Please Me en 63. La même année, Please Mr. Postman avec les Beatles, c'est le nom de l'album. Et c'est toujours les Beatles forcément. Et suite, il y aura Help en 65 sur l'album éponyme. Puis John Lennon nous chantera Imagine sur l'album éponyme aussi, Imagine en 1971. Pour le reste, je vous convie à en parler autour de vous, à dire qu'il existe ici à Bordeaux une radio qui émet tous les mercredis de 20h à 22h sur les Beatles, la saga des Fab Four. C'est unique en France, donc profitez-en. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four sur RIG. Et c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir tout au long de cette soirée. Il y a des experts nommés par moi qui peuvent vous aider si vous avez quelques soucis, à savoir où il faut taper si vous voulez nous rejoindre. Pas sur qui, hein, il faut taper où, à quel endroit. Voilà, le générique se termine, donc on commence très très fort avec Twist and Shout. À tout de suite sur RIG 90.677. Ouh, faut que je me mette à l'heure. You got me going. Je vous dis à l'antenne ce que Marc m'a dit il y a quelques instants hors antenne. Lorsque il y avait Twist and Shout, il me dit « Mais qui est-ce qui chante là ?» J'ai dit « Ben c'est John Lennon ». Et c'était la dernière chanson enregistrée au dernier moment pendant cette session qui a duré une journée pour le premier album des Beatles. Il a donné tout ce qu'il avait et après il n'avait franchement plus rien parce que hurler Twist and Shout comme ça, il faut le faire. Et c'était bon. C'était bon dès le début. Donc bravo John Lennon, bravo les Beatles. Et pourtant c'était leur début simplement. Et puis ensuite, please Mr. Postman, parce qu'il faut se rappeler, si les chansons du début des années 60 étaient, allez, on va dire, un peu plus simples, simplistes, peut-être, les harmonies vocales, quand même, avaient vraiment leur place au début. Même pour Help, écoutez cette chanson, en 1965. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Lorsqu'il se lança dans sa carrière solo au début des années 70, John déclara en de nombreuses occasions que Help était l'une de ses chansons favorites de toute la période Beatles. Elle lui plaisait, disait-il, parce qu'elle était réelle. Son seul regret était qu'ils aient changé ce qui était au départ un morceau lent, très dylanesque, en une chanson plus prime-sautière pour des raisons commerciales. John composa Help avec Paul dans sa maison de Weybridge à Kenwood, en avril 1965. Les paroles reflètent des frustrations de John. Il mangeait et buvait trop. Il avait pris du poids. Tiens, ça me dit quelque chose. Et acceptait mal les exigences d'une célébrité mondiale. La chanson, reconnut-il plus tard, était un véritable appel au secours, bien qu'elle ait été au départ écrite sur commande. « J'avais besoin d'aide », déclara-t-il. « Cette chanson parle de moi ». Le fait qu'il s'inspire de ses propres problèmes et en fasse le thème d'une chanson n'était pas tant une nouvelle direction que la suite logique de tout ce qu'il avait réalisé jusque-là. La seule différence était qu'il semblait maintenant admettre que la gloire, la richesse et le succès n'avaient fait que renforcer ses angoisses. Devenu l'une des plus grandes stars de la planète, déjà en 1965, John commençait à regarder en arrière et à regretter la vie finalement plus facile et plus sereine à l'époque de Man Love Avenue. Cette idéalisation de son enfance et de son adolescence allait devenir un thème de plus en plus important dans ses compositions. Celle-là, on ne la présente même pas. Imagine, sur RIG 90.7. No hell below us. J'aime pas Yoko Ono, enfin on le sait que t'aimes pas Yoko Ono, et donc tu fais exprès de dire ça. Ouais, moi je trouve que cette chanson, c'est du pur Lennon, du Lennon peut-être inspiré par sa muse Yoko Ono, oui, peut-être, mais de là à ce qu'on modifie les crédits 40 ans ou 50 ans plus tard pour mettre Lennon Ono, ben quand même, faudrait peut-être pas exagérer, parce que si elle avait du talent, on l'aurait su. Celle-là, je l'adore. C'est Slipping and Sliding avec un clip très très sympa. Cherchez-le, vous allez voir. RIG 90.7, on rend hommage à John Lennon pour les 82 ans qu'il aurait pu avoir. No more. J'avais envie de rendre hommage à une copine qui est en Angleterre, qui s'appelle Lovely Rita. On va en parler tout à l'heure, mais tout d'abord, cette chanson est pour toi. This song's for you, Rita. De Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band en 1967. On a écouté tour à tour Twist and Shout, Please Please Me, Help, Imagine, Slipping and Sliding et à l'instant Lovely Rita. Avant de retrouver deux versions de You Can Catch Me, il faut parler du meilleur site pour pouvoir tout savoir sur les Beatles. Et ce site, c'est celui qui est dirigé par Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga Big Papa. I bought a brand new automobile. T'was a custom made. T'was a flight to be with a motor and a hideaway wing pushing on. Can Catch Me est une chanson écrite et enregistrée par Chuck Berry, sortie en single en 1956. Les paroles de la chanson décrivent la course d'une Air Mobile gonflée sur la New Jersey Turnpike, puis déployant ses ailes et décollant. À l'époque, l'aérocar conçue et construite par Maud Taylor est proche d'obtenir l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile pour sa production en masse en tant que voiture volante avec des ailes repliables détachables. À mon avis, ça n'a pas dû se faire, hein, parce qu'on en a entendu parler. La chanson, enregistrée le 20 décembre 1955 dans les studios Chess à Chicago, et pas Chicago, est sans doute écrite après la première visite de Berry à New York, car elle évoque sa confrontation avec la police dans le Lincoln Tunnel. Musicalement, Berry répète le rythme hillbilly de Mabilene et de 30 Days. Les paroles fonctionnent également sur un territoire familier. Comme il l'a fait dans No Money Dough, Berry décrit une voiture fantastique, une Flight Devil, sur mesure avec un moteur puissant et des ailes cachées. Il fait la course avec une autre voiture au petit matin, Wee Wee House, c'est l'heure de faire pipi en américain. Pour échapper à la police, il déploie les ailes de sa voiture et prend son envol. Comme il l'a fait dans No Money Down, il continuera à le faire dans plusieurs reprises au cours de sa carrière, Berry inclut des paroles qui font référence à son travail précédent. Il donne à la fille qui l'accompagne le nom de Maybelline, rappelant à l'auditeur son tout premier single. Sorti en single en novembre 1956, la chanson de Berry est présente dans le film Rock, Rock, Rock, 1956 aussi, et l'une des quatre chansons originales incluses dans l'album original Soundtrack, la seule de ces chansons à être utilisée à la fois dans le film et sur l'album. Elle ne rencontrera pas un grand succès, cette chanson, par Berry. Elle ne pénètre pas dans les classements nationaux de Billboard ou de Cashbox, se classant uniquement dans les charts régionaux. Elle culmine en 7e position à Charlotte, 8e à Saint-Louis et 9e à Atlanta. Ce qui n'est pas si mal. Voici la version de Chuck Berry. He was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Flying with my baby last Saturday night, putting a green cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Comme le dit Christine sur Facebook, c'est un peu plus nerveux que la version de John. Oui, peut-être qu'il ne faisait que dormir, John. Morning, my head, I'm still young.

Let's go. Back, back, back. Before I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me, but I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before. You said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. On entend bien la voix de Paul McCartney sous la voix de John Lennon. No Reply, 1964, quelle très belle année. Moi, ce qui me sidère, c'est que entre les deux chansons, celle qu'on a entendue tout à l'heure, Cold Turkey, qui est avec tous les hurlements que Rook n'aime pas, il l'a dit sur Facebook, mais cette chanson est censée parler de désintoxication. Donc voilà pourquoi il fait comme ça. Je veux pas le faire parce que je veux pas mettre toutes les aiguilles dans le rouge ici à ériger. Et puis, donc 5 ans auparavant, ça paraissait tellement plus doux, tellement plus gentil. En tout cas, aujourd'hui, on rend hommage à John Lennon pendant 2 heures pour les 82 ans qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu un imbécile, et je ne peux pas parler plus parce qu'il faut rester politiquement correct, qui avait interrompu la vie de John Lennon en 1980. Et bref, il avait écrit une chanson au début, plutôt pour son album, mais c'était resté au départ dans les placards, Grow Old With Me, et il avait laissé un mot en disant qu'il aurait bien vu Ringo Starr le chanter. Lorsque Ringo Starr a appris ça, mais très tard, hein, il n'a pas été au courant tout de suite, il s'est dit, ah ben tiens, ben, puisque j'aurais pu le chanter, la chanson, ben, je vais la chanter. C'est ce qu'il fit sur son album What's My Name, en 2019, il me semble. La voici, la chanson. Grow old along with me. The best is yet to be. When our time has come, when the day is done, Alors, il paraît qu'il y a un petit riff en hommage à George Harrison, et là, comme j'étais occupé au téléphone, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que vous, vous l'avez entendu? En tout cas, il y a Paul à la basse sur cette belle chanson. En 2019, sur l'album What's My Name, il faudra qu'on le refasse cet album, pas tout de suite, mais plus tard. On va rester dans les hommages. En 1998, c'est George Martin qui sort son dernier album. Enfin, l'album fait par d'autres, mais c'est lui qui produit ce dernier album pour une sorte d'adieu, parce que il commençait à se faire vieux, et il réunit des copains à lui, et notamment un Sir, quelqu'un qui avait une voix extraordinaire et qui nous refait un In My Life à sa façon. C'est Sean Connery, en hommage à John Lennon. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Vous êtes bien sûr RIG 90.7, la radio des Beatles. La prochaine chanson, je voudrais envoyer une petite dédicace à une amie que je n'ai pas vue depuis très très longtemps. Elle s'appelle Virginie. J'envoie le bonjour à toute sa tribu aussi, hein, quand même, 4 enfants. C'est bien, c'est très très bien. Voici la chanson en hommage à toutes les femmes, donc à Virginie. Voici Woman de John Lennon sur RIG. After all, I'm forever in your debt. I'm

John déclara qu'il était cet homme de nulle part et que le désespoir l'avait poussé à composer cette chanson après qu'il eut passé 5 heures d'affilée devant sa feuille blanche. « J'avais arrêté de chercher », raconta-t-il. « Rien ne venait. Je me sentais frustré et je suis allé m'allonger, abandonnant tout espoir. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un homme de nulle part assis dans son pays qui n'existe pas. Nowhere man sitting in his nowhere land. » Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. I want you so bad. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. I want you so bad, babe. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. pursue the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch? It seemed to me so much. It always made c'est la saga des Fab Four numéro 538. Aujourd'hui, on rend hommage à John Lennon qui aurait eu 82 ans le 9 octobre. Et donc, c'est une 100% Lennon. Et cette chanson Free as a Bird, comme le dit Yann sur Facebook, tout le monde se rappelle ce moment, enfin ceux qui l'ont vécu à sa sortie, tout le monde se rappelle où il était et c'est un moment inoubliable. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que là, qui l'ont peut-être pas entendu. J'étais sur la rocade bordelaise, j'attendais impatiemment ce morceau, parce qu'il était teasé à mort, il disait « dans quelques instants, dans quelques minutes, on reçoit le disque et on va vous le passer sur telle radio ». De toute façon, je pense que quasiment toutes les radios l'ont passé, puisque c'était un événement, enfin les Beatles tous ensemble, John Lennon compris, puisqu'il y avait sa voix dedans. Et je commence à l'entendre sur la rocade, obligé de sortir de la rocade et de me garer, parce que j'avais la larme à l'œil tellement je n'en revenais pas d'entendre les quatre ensemble, et tellement cette chanson était belle. Celle-ci aussi. Across the Universe, version Let It Be Naked, sur RIG. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world.

Vous vous rendez compte que 4 ans auparavant, on en était à She Loves You, yeah, yeah, yeah. Quelle différence, quelle rapidité, quel mouvement il y a eu dans les années 60 pour que ça puisse comme ça s'envoler, ça a évolué, c'est le mot que je cherchais. Ça a évolué d'une manière absolument incroyable. Il n'y a jamais eu ça après, dans les années 70, 80, 2000, etc. Non, on n'évolue pas comme ça maintenant, en 2, 3 ans, 4 ans. C'est dingue. En 73, Mind Games, on va se dépêcher, on va être en retard. Au départ, cette chanson voulait dire « Je veux que tu fasses l'amour, pas la guerre ». Mais enfin, vous avez déjà entendu ça. Ah, on va l'appeler Mind Games, alors. RIG 90.7, hommage à John Lennon. Yeah. On va encore rendre hommage avec Paul McCartney, cette fois-ci en live en 1990 sur le single All My Trials. Il rend hommage à John en reprenant trois chansons dont, si vous avez écouté le début de l'émission quand je vous ai diffusé Help, John Lennon a dit qu'il avait regretté que cette chanson soit beaucoup plus rapide que celle de l'origine. Eh bien, Paul McCartney a fait la chanson au rythme d'origine, tel que c'était prévu, tel que John l'aurait voulu. Écoutez, on commence par Strawberry Fields, ensuite il y a Help et Give Peace a Chance à la fin. Évidemment, ça se passe à Liverpool. Ah, thank you. Thanks a lot. Woo! Still enjoying yourselves? Can I tell you what? We've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. And maybe you're going to help us out with it and sing along with it if you know the words. This is just a little tribute to someone we love dearly. 2, 3, 4. On va en profiter, tiens, pour rattraper un petit peu, parce qu'en principe, là, tout le monde fait « Oh, we are saying, it's give peace and chance », et du coup, il repart, et puis il dit « Je ne peux plus m'arrêter », etc., etc. Je vous résume, c'est comme ça que ça se termine. On va continuer à rendre hommage avec, encore sur l'album de George Martin, In My Life, le seul qui pouvait reprendre I Am The Walrus avec classe, Monsieur Jim Carrey, pour une version bien à lui de I'm The Walrus. Everybody's got one, y compris Eric, que vous retrouverez tout à l'heure dans son émission Johnny de A à Z.

1975 et ce fameux album Rock and Roll dans lequel John Lennon reprend des chansons de sa jeunesse et le refait avec son côté rock and roll à lui parce que c'est franchement différent. On a entendu tout à l'heure une version différente de Chuck Berry. Et là, si vous écoutez la version d'origine de Stand By Me, ce n'est pas exactement comme ça. Il l'a repris à sa sauce. Voilà, j'arrive là où je voulais en venir. Et lorsque on écoute John Lennon et qu'on écoute surtout Free as a Bird, vous savez que le real love n'est jamais très loin. Le voici. 1996, Real Love, les Beatles, sur RIG. La musique, puisque dans un quart d'heure, c'est Johnny de A à Z avec Eric. Après Real Love, voici une autre chanson qui aurait dû figurer à la place de chanson de Yoko sur l'album Double Fantasy. La chanson, c'est sur Milk and Honey, qui est sortie 4 ans plus tard. C'est Borrowed Time, maintenant sur RIG, dans la saga des Fab Four. When I was young. Thank you. bloody easy. You know, like, what's it wear very serious, like, you know, am I gonna get rid of the pimples? Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. Alors bien entendu, cette chanson aurait été travaillée plus s'il avait eu le temps d'y mettre son nez dedans. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire. C'est... Mais non, John Lennon n'était pas feignant. Un peu, peut-être un peu. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? He always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Deep in the jungle where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. His mommy butted in. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, was it your thrill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? De ça. Why? Pourquoi? J'avais 13 ans quand c'est sorti. Peut-être 14. Ou alors 22. J'aurais même pu avoir 12 ans, en fait. Just Because sur RIG, dernière chanson. Do you think that I will sit up? Rock'n'Roll, encore, oui, mais j'aime beaucoup cet album. Et lorsqu'il a été remasterisé, cet album, il nous a sorti un Just Because reprise que je vous laisse parce que si je ne vous l'avais pas mis, nous n'aurions pas terminé en retard. Donc voici la fin de la chanson dans laquelle il dit un petit salut à ses potes Paul, oui, oui, Paul, George et Ringo. Écoutez. De John sur cet album-là. Mais il doit avoir des pastilles après pour la voix quand même. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Dans quelques secondes, le meilleur. C'est comme ça qu'on me surnomme ici à la radio. C'est Eric pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Ciao.